Le deuxième festival de la bière Taedonggang de Pyongyang aura lieu depuis le 26 juillet jusqu'à la fin d'août à Pyongyang, au bateau mouche Taedonggang et aux alentours du quai. On y servira de la bière de cette espèce, de la bière de blé nouvellement exploitée à la brasserie Taedonggang avec divers plats. Et on organisera les épreuves de goûter de la bière et le voyage à bord du bateau mouche à la soirée.